Chapitre 30. Sainte Sarre. Bon, conclut Norette, cela n'est rien puisque j'ai tout de même mon bouquet. Voyons, Gantôme, le ruban, le cierge, le carré de drap rouge. Et maintenant, il s'agirait de ne plus perdre une minute si nous voulons passer par le pas du sarrasin. Gantôme, appelez Misé Jeannot. Heureusement, la brume ne doit pas s'étendre bien bas. Et je sais le bon chemin. En effet, la brume n'était qu'une ligne mince et droite, coupant la montagne. En quelques pas, nous l'avions franchie. Et tandis que ces légers flocons enveloppaient encore Misé Jeannot et Gantôme, nous nous trouvions déjà, avec Norette, dans la lumière et le soleil. Quel est ce pas du sarrasin où me mène Norette? Car Norette, je m'en aperçois, commence à me mener comme elle veut. Et mes amis s'amuseraient, eux qui ont connu mon indépendance, de me voir ainsi, en l'honneur de la chèvre d'or, obéir aux caprices d'une petite paysanne. Mais est-ce que depuis 4 jours, depuis l'aventure des fleurs jetées, j'y songe seulement à cette chèvre d'or? Norette daigne m'expliquer que le pas du sarrasin est un étroit défilé fermant du côté de la mer le plus important des 3 vallons qui conduisent au Puget Mort. Il s'y est jadis livré des batailles et de chaque côté s'amorçant à la roche, on voit des restes de barricades. La chose pourra peut-être vous intéresser, monsieur le savant. Mais dans la pensée de Norette, notre excursion n'a rien de spécialement archéologique. Le pas du sarrasin s'ouvre presque en plaine à 1/2 km de la route menant à Fréjus. L'endroit, quoique sauvage et solitaire, est accessible aux chariots. Et les bohémiens, avec leurs caravanes roulantes, se détournent volontiers pour y faire halte, lorsqu'au changement de saison, ils rejoignent leur quartier d'hiver. Or, les bohémiens sont arrivés. Ils attendent Norette, avertie, et qu'il doit leur confier une mission des plus graves. Comme ils s'en vont à Notre-Dame de la Mer, c'est eux que Norette chargera de déposer le bouquet noué du ruban et de faire brûler le cierge sur le tombeau de Sainte Sarre. Sainte Sarre? Vous ne connaissez pas Sainte Sarre, la fidèle servante des 3 Maries, qui, venue avec elle en Provence, après la mort du Christ, sur une barque sans voile et sans rame, mourut près de Marie Jacobée et de Marie Salomé, en l'île de Camargue. Entre les 2 Rhônes, pendant que Marie-Madeleine pleurait au désert. D'Aiguemorte à Fos, le long du golfe, autour des grands étangs. Il n'y a pas un matelot, ni un pêcheur, pas un gardien de taureau et pas un meneur de cavale qui ne connaisse sa légende. Depuis, dans la magnifique église que la Provence a bâtie, Jacobée et Salomé habitent, au-dessus de l'autel, une chapelle aérienne, d'où l'on voit, mon père m'y conduisit étant petite, des plages sans fin et la mer. Sainte Sarre dédaignée se contente d'une humble crypte, où seul ou peu s'en faut, les bohémiens la vénèrent, parce qu'elle était, prétendent-ils, de leur race et de leur couleur. Nous approchions du campement, presque désert. Les hommes et tout ce qui avait plus de 10 ans étaient partis en expédition dès le matin. Rien qu'une vieille femme restait pour faire bouillir le pot, soigner le cheval et surveiller une 12 douzaine de marmots noirs comme charbon qui, tout nus, se roulaient dans l'herbe. C'est à la vieille précisément que Mademoiselle Norette avait affaire. Elle a donné le morceau d'étoffe rouge à la vieille qui, tout de suite, où diantre la coquetterie va-t-elle se nicher, se l'est épinglée au corsage. Puis elles se sont mises à causer, à me regarder, tandis que le plus jeune et le plus crépu des marmots, Tété, le ventre en l'air, cramponné au poil doré de Misé Jeannot, et que les autres donnaient l'assaut aux débris de provisions restés dans le panier que Gantôme portait. Après quoi, tous, y compris le nourrisson improvisé, sont venus me mendier quelques pincées de tabac pour bourrer leurs pipes, culottées déjà, et se rouler des cigarettes. La vieille nous a dit « Soyez sans crainte, avant qu'il soit 8 jours, le cierge brûlera sur le tombeau, près de ces fleurs dont les graines vinrent d'Orient, et j'aurai, pour vous la rendre favorable, dit les paroles en langue inconnue que sainte Sarre aime entendre. » Elle ajoute, s'adressant à moi, « Tout le bonheur vous était dû !» Puis à Norette, avec des douceurs dans la voix, des nuances de flatterie qui m'étonnent un peu, dans cette bouche d'immémoriale sorcière. Elle est si noble et si belle, la demoiselle du Puget-Mort, belle et brune comme Sarah, noble comme la princesse dont elle m'a rapporté des fleurs. Si elle voulait, nous la ferions reine, mais elle ne veut pas, son destin est ailleurs. Nous la ferions reine au village des Saintes, selon la coutume, dans le rond de nos chariots, sur un trône en plein air, paré de diamants et d'or. Et le peuple l'admirerait, et de la voir ainsi, les gardiens de Camargue, serrant le mort à leurs chevaux blancs, en virait et deviendrait pâle. La vieille ne s'arrêtait plus. « Partons !» dit Norette qui feignait de rire, mais visiblement gênée en ma présence par ce flux d'énigmatiques paroles. Le soleil avait disparu. Nous dûmes nous presser pour être de retour au Puget-Mort avant la nuit. Cependant, Norette, ingénument exaltée, me racontait qu'elle s'appelait Sarah, comme sa mère, et que sainte Sarre était leur patronne. Maintenant, elle se sentait plus heureuse, sûre de la protection de sainte Sarre pour quelque chose qu'elle ne me disait pas, mais que son regard, bien qu'à chaque fois il se détournât du mien, me faisait deviner. Sans la présence de Gantôme, Norette m'en eût peut-être dit davantage. Malgré l'impatience de M. Honorat, dont l'appétit n'avait pas attendu, et la sourde révolte de Saladine, elle voulut encore me montrer, avant le dîner, un morceau de bois assez informe, que je n'avais pas encore remarqué dans son musée des souvenirs. « Tenez, la voilà, sainte Sarre, la protectrice des gazans. Nous l'avons depuis plus de 300 ans dans la famille. Admirez-la au moins. Elle n'est pas belle, mais je l'aime. » C'était une de ces antiques images dont la dorure en s'oxydant prend des tons d'ébène et que l'imagination populaire transforme volontiers en vierge noire, longtemps enfouie, puis un beau jour, miraculeusement découverte, dans quelques halliers qu'on défriche par les deux bœufs de labour, meuglants et agenouillés. Seulement, sainte Sarre, avec son profil oriental, très caractéristique malgré la naïveté du ciseau, avec les légères traces d'or restées au pli du long manteau et au torsade de la coiffure, avait un petit air païen qu'en général les vierges n'ont pas, et ressemblait à une sultane qui aurait ressemblé à Norette. Fin de la 6e partie de La Chèvre d'or de Paul Arène.